s'arrête sur ma vie. Depuis le cafard, brouillard et ma peur du noir, je t'attends. Je sais l'inutile de ces cœurs anonymes, du regard éclairé, du projecteur allumé. C'est mon âme en chanson que je livre à ces cons qui n'y voient qu'un semblant d'illusion. Par les mots du toucher, par les mois brisés, c'est ma peur en caillou que je jette sur vous.